Alors, comment ça se passe ton business en ligne pour les fêtes ? Bien, j'ai plein de commandes et mes clients sont impatients de recevoir leurs colis. Passe par Colissimo Facilité, ils seront livrés en 48 heures. C'est plus de sérénité pour toi et de satisfaction pour tes clients. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un monument de l'histoire du cinéma politique, la bataille d'Alger de l'italien Tilo Pontecorvo. Un film que l'on peut qualifier de maudit, ne serait-ce que sur notre territoire. Tourné en 1965, soit seulement 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il met 4 ans à sortir en France, suscite de nombreuses protestations avant de quasiment sombrer dans l'oubli pendant 30 ans. Mais tandis qu'il est mis à l'index en France, la bataille d'Alger connaît un grand succès à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où l'œuvre est nommée 3 fois aux Oscars. Mais ce qui fait de la bataille d'Alger un film à part, c'est aussi et surtout qu'il est multi-instrumentalisé. D'abord, quantité d'organisations terroristes s'en emparent dans les années 60 et 70, des Black Panthers à l'IRA. Ils sont nombreux à vouloir prendre exemple sur le contenu insurrectionnel du film. Mais il est aussi utilisé à des fins dites anti-subversives, aussi bien par les dictatures d'Amérique latine dans les années 60 que par le Pentagone au moment de la guerre d'Irak. La bataille d'Alger, une œuvre à double tranchant. Notre invité aujourd'hui, Benjamin Stora, historien bien sûr, auteur notamment du rapport remis au président de la République sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie en janvier 2021. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Silia. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est en 1965, donc, que Gillo Pontecorvo réalise la bataille d'Alger. Manifestement favorable à la lutte du FLN, c'est une reconstitution. Le film décrit l'insurrection qui débute par le communiqué numéro 1 du FLN, le 1er novembre 1954, et qui appelle au rassemblement du peuple algérien contre les forces coloniales. Elle touche Alger 2 ans plus tard, avec l'explosion le 30 septembre 1956 de 3 bombes dans des lieux fréquentés par des Européens et déposées par des femmes dans une ville pourtant quadrillée par la police et l'armée. Cette bataille se poursuit par l'instauration de la loi martiale début 57 et la tentative de la part de l'armée de pacifier la ville. Alors, pourquoi Gillo Pontecorvo, un Italien, s'intéresse-t-il à cet épisode de la guerre d'Algérie qui est une affaire française ? Il s'en explique sur France Inter en mai 70. Pour les Français, la guerre d'Algérie et l'Algérie, c'est un problème, disons, privé. Pour un metteur en scène étranger, italien, qui s'est toujours intéressé en général à des problèmes sociaux, la guerre d'Algérie et la bataille d'Alger ne sont qu'une page du grand mouvement, du grand thème de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire actuelle de la décolonisation et du fait qu'on est à l'époque de la naissance de toute une série de nouvelles nations. À la sortie, en 1966, du film, il était un succès international. Bien. Mais alors pourquoi n'en parle-t-on pas plus en France ? Eh bien parce que pendant des décennies, la bataille d'Alger a été peu visible dans notre pays. Pourtant, s'il y en a un qui pouvait s'intéresser à un film qui relate l'épuration d'Alger par les parades de Massu, c'était bien la France. En vérité, tout cela est révélateur des rapports entretenus par la société française avec la guerre d'Algérie et sa représentation au cinéma. Les Français ont toujours eu du mal à regarder en face leur passé, contrairement aux Américains, par exemple. Au milieu des années 60, tandis que le film est diffusé un peu partout dans le monde et que l'Algérie fournit des copies à plusieurs pays africains en pleine décolonisation, la bataille d'Alger est blacklistée sur le territoire français. En 66, il ne trouve pas de distributeur. Et c'est seulement en 70 qu'il obtient un visa d'exploitation. Et les conséquences ne se font pas attendre. La sortie en salle est perturbée. Menaces de mort, attentats, appels à la censure émanant d'associations d'anciens combattants et de rapatriés. Comme ici, dans une interview à la télé française en juin 70. Vous avez demandé le retrait du film La bataille d'Alger. Pourquoi ? Si nous avons demandé le retrait de ce film, c'est que nous avions le sentiment qu'il était encore prématuré de le passer dans les salles de spectacle, étant donné que 13 ans, ça peut paraître long à certains, pour nous c'est encore très court. Beaucoup de rapatriés ont encore à vif les blessures qu'ils ont ressenties à l'époque, et cela nous a semblé en quelque sorte une provocation de nous passer ce film en ce moment. Provocation, pourquoi? Pensez-vous que les gens, les Français ou les rapatriés ne peuvent pas voir ce qui s'est passé? Moi, je veux bien si cette histoire n'est pas orientée, n'est pas à sens unique. Or, d'après ce que nous savons du film, d'après ce que nous en avons lu, il est très nettement orienté et il fait l'apologie de certains félagas qui sont eux-mêmes les vedettes de ce film. Vous n'avez pas vu le film? Je n'ai pas vu le film, j'en ai eu des échos. Certains cinémas décident alors de retirer le film de l'affiche, mais celui-ci parvient tout de même à atteindre le chiffre de 130 000 entrées. Performance qu'il convient tout de même de relativiser compte tenu du scandale suscité par la sortie du film et qui attire du monde, bien sûr. Ainsi, jusqu'au début des années 80, la bataille d'Alger est projetée de temps à autre dans des cinémas français dont certains sont à nouveau victimes de menaces. En janvier 81, il fait même la une du journal de France 2. Un attentat, tout à l'heure, à Paris, dans le cinéma Saint-Séverin, au cœur du quartier latin, donc, un cinéma qui affichait le film La bataille d'Alger, qui a souvent fait réagir certains milieux d'extrême droite en France. Il n'y a que 2 blessés légers, mais beaucoup de dégâts. Jérôme Bonny revient à l'instant du Saint-Séverin. Oui. Il a rencontré l'un des gérants du cinéma qui lui a confirmé que depuis plusieurs jours, on le menaçait. C'est passé qu'on était en train de finir la séance de L'Isou la vraie vie. On allait commencer la séance de la bataille d'Alger. Et une quinzaine de personnes casquées, masquées et munies de barres de fer sont intervenues dans le cinéma très rapidement. Ils ont commencé à casser toutes les vitrines, à casser, à enfoncer la caisse, à prendre tout ce qu'il y avait, à déchirer les affiches. Et qui étaient ces personnes, d'après vous? Je veux dire, je crois un groupe d'extrême droite, parce que ça fait déjà 3 alertes à la bombe qu'on a à ce niveau-là. 23 ans plus tard, en 2004, le film est sélectionné pour Cannes Classique. Il ressort en salle quelques mois plus tard, en septembre, et connaît une diffusion sur Arte en novembre. C'est sa toute première programmation à la télé. Il connaît ensuite une édition en DVD, et là, c'est la consécration, 40 ans après le tournage. Gillo Pontecorvo, son réalisateur, meurt 2 ans plus tard, en 2006. Rembobinons. Au lendemain de la guerre d'Algérie, l'ancien militant du FLN Yassef Saadi souhaite réaliser un film, d'après son livre de souvenirs, intitulé « Mémoire de la bataille d'Alger », rédigé en prison et publié en 1962. Saadi était chef de la zone autonome d'Alger au moment où ont débarqué, le 8 janvier 57, les hommes de la 10e division parachutiste. Eh bien, notre gros titre, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, l'arrestation de Yassef Saadi, devenu depuis quelques mois l'ennemi public numéro 1 d'Alger. Le chef des tueurs, en chemise de velours marron, posait avec un sourire assez satisfait devant l'objectif des photographes et de la télévision. Mais il donnait surtout l'impression d'un mauvais acteur dont le rôle est terminé et aussi d'un homme qui n'a pas les épaules assez larges pour sa légende. Dans un premier temps, Saadi est aidé par le réalisateur militant René Vautier pour la rédaction d'un synopsis de 25 pages. Yassif Saadi le soumet ensuite à des producteurs parisiens, mais sans succès. Il se tourne alors vers le cinéma italien. Et c'est Luchino Visconti, le réalisateur du Guépard, qui lui suggère de soumettre le projet à Gillo Pontecorvo. Voilà 2 ans, en effet, que ce dernier tente de développer un projet sur cette guerre d'indépendance en Algérie. Au printemps 62, il s'y rend avec le scénariste Franco Solinas pour y faire des repérages. Leur projet s'intitule « Para ». Il raconte l'histoire d'un ancien béret rouge, devenu photographe de guerre, pris dans la tourmente du conflit algérien. Gillo Pontecorvo souhaite en faire une superproduction internationale, mais il peine à convaincre les studios italiens. Le producteur Franco Cristaldi préfère repousser le projet qui n'est pas à la gloire de l'Algérie française, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, trop touchy. Pas question de provoquer l'OAS, l'organisation terroriste Algérie française, à qui il en faut peu pour placer des bombes assassines. Mais la rencontre avec Yassef Saadi change tout. Il faut dire qu'il trouve l'argument imparable. Il financera une partie du film grâce à sa maison de production Casbah Film. Il persuade également Gillo Pontecorvo et Franco Solinas de raconter la guerre du point de vue algérien. Épaulés par Yassef Saadi, Gillo Pontecorvo et Franco Solinas planchent alors pendant 6 mois sur l'écriture d'un nouveau scénario. Les deux hommes mettent à profit cette période de travail pour rencontrer de nombreux militaires français, dont le général Massue. L'intérêt de Pontecorvo pour les luttes anticoloniales s'inscrit dans la continuité de son engagement antifasciste. Il grandit à Pise, dans une famille de la haute bourgeoisie italienne, mais avec l'adoption des lois raciales de 1938 par Mussolini, la famille d'origine juive se disperse. Le judaïsme mondial est, depuis 16 ans, malgré notre politique, un ennemi irréconciliable du fascisme. Ainsi parlait Mussolini, essentiellement pour plaire à Hitler, mais pour les juifs, le résultat est le même. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Pontecorvo, réfugié dans le sud de la France, rencontre à plusieurs reprises des dirigeants du Parti communiste italien, auquel il finit par adhérer. Puis il retourne dans son pays natal, où il milite dans la résistance antifasciste, à Milan. C'est à cette période qu'il voit pour la dernière fois ses parents. Alors qu'ils tentent de fuir l'Italie, ils sont assassinés par les Allemands. Dès 1944, Gillo Pontecorvo devient responsable d'une organisation résistante, le Front de la Jeunesse pour l'indépendance nationale et la liberté. Après la guerre, il poursuit son engagement au sein du PCI. Il participe notamment au tournage du film « Le soleil se lèvera encore » d'Aldo Vergado, produit par l'Association des partisans italiens. En 1957, il signe son premier long-métrage, adapté d'un roman de Franco Solinas, un dénommé Squarcio, avec Yves Montand. Enfin, en 1959, il réalise son deuxième film, Capot, qui montre la tentative d'une femme de surmonter sa condition dans l'univers concentrationnaire. Le film, s'il lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger, sera l'objet d'une violente controverse sur sa représentation des camps de concentration nazis, jugée esthétisante et immorale par une partie de la critique. Pourtant, à travers ses films, Pontecorvo aura toujours à cœur de faire intimement écho à son expérience de la lutte antifasciste en tant que juif. C'est pourquoi ses films s'intéressent aux damnés de la Terre, les juifs des camps de concentration, de Capot, les colonisés algériens de la bataille d'Alger, et plus tard, les esclaves caraïbes de Queimada avec Marlon Brando. Il faut achever le scénario de la bataille d'Alger et transmis à plusieurs producteurs, mais tous refusent de produire le film. Gillo Pontecorvo s'en souvient en 2004 dans les bonus du DVD. Lorsque j'ai trouvé ce sujet, je l'ai présenté à des producteurs qui m'offraient jour après jour des projets. On m'a dit, comment veux-tu que ça intéresse les Italiens ? On m'a même dit, ces histoires de Noirs n'intéressent pas les Italiens. J'ai répondu, écoute, en Algérie, ils sont aussi blancs que toi et moi. La guerre d'Algérie a pourtant un fort impact sur l'opinion publique italienne, grâce à l'apparition du livre « La question » en 1958, ouvrage dans lequel Henri Allègre raconte la torture qu'il a subie au cours de ce conflit. En France, la même année, le livre est censuré. Finalement, Gillo Pontecorvo obtient de Ben Bella, président de la République algérienne, qu'il débloque de l'argent pour financer le film qui se déroulera dans la Casbah même. Grâce au ministre de la Défense de Ben Bella, Wari Boumediene, des véhicules, des uniformes ainsi que des soldats sont mis à disposition pour les besoins du film. À l'époque, c'est aussi une manière d'écarter Yassir Saadi du pouvoir. Celui-ci demande à devenir chef de la gendarmerie. Boumediene rétorque qu'il n'en est pas question. Alors pour le calmer, on lui donne la possibilité de financer ce projet de film qu'il porte en lui depuis des années de prison. Italiens et Algériens parviennent donc à un accord en juin 64 pour un budget relativement modeste de 500 millions de lire, soit 250 000 euros. Voilà, tous ces éléments font de la bataille d'Alger une sorte de film officiel. Mais ironie du sort, il est tourné au moment d'un changement de régime en 65, en plein putsch de Boumediene, de sorte que le tournage du film se mélange avec le coup d'État du 19 juin 65 et contribue à la confusion d'époque, comme en témoigne cette archive. Alger s'est réveillé au bruit des chenilles des chats. Tout s'est passé très vite, je crois que l'on peut dire. Ben Bella a été renversé en quelques minutes. Le colonel Boumediene, chef d'état-major de l'armée qui a dirigé les putsch, préside le Conseil révolutionnaire provisoire qui prend la tête de la République algérienne. Les Algérois étaient passifs car ils croyaient que c'était un film que l'on tournait. Depuis deux jours, en effet, à Alger, des chars sont dans la ville car on tourne un film sur la bataille d'Alger. Gillo Pontecorvo fait appel essentiellement à des acteurs amateurs. Seul professionnel du casting, Jean Martin, qui incarne le colonel Mathieu, inspiré du général Massu. Acteur engagé à gauche, Jean Martin a signé en 1960 le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie et pour le droit à l'insoumission. Soucieux de ne pas verser dans le manichéisme, Pontecorvo fait de ce personnage un portrait nuancé. Ce n'est pas une brute épaisse, pas une machine à tuer, non. Un homme intelligent qui comprend les aspirations de ses adversaires et rend hommage à leur courage. Yacef Saadi, quant à lui, interprète son propre rôle à travers le personnage du leader Jafar, chef de la zone autonome d'Alger. Personnage central du film, Ali Lapointe. À travers la figure de ce révolté, le film retrace la lutte entre les militants algériens nationalistes et l'armée française venue rétablir l'ordre dans la Casbah. Tout commence par la scène de son arrestation par la police, son passage en prison, où il assiste à l'exécution d'un militant nationaliste. Le ton est donné. Pour diffuser un sentiment de vérité et d'immédiateté, Gillo Pontecorvo, qui fut photoreporter, opte pour une esthétique caméra à l'épaule, proche de l'image granuleuse des reportages télévisés. Dans les bonus du DVD en 2004, il explique. Je pense qu'elle donne le sentiment de vérité dont parle la télévision anglaise. En évoquant en général mon travail, et en particulier la bataille d'Alger, qu'elle appelle la dictature de la vérité. L'impression d'authenticité est telle qu'aux États-Unis, à la sortie du film en 67, le distributeur va jusqu'à mettre un carton d'avertissement au début de la projection, indiquant qu'aucune image réelle n'a été utilisée. Et puis, contrairement à l'impression qui se dégage du film, et notamment des séquences chaotiques de manifestations, aucune scène n'a été improvisée. Cinéma vérité, certes. Œuvre artistique également. Les choix esthétiques du réalisateur font également écho au cinéma néo-réaliste italien d'après-guerre, en réaction au film à l'eau de rose de l'époque de Mussolini. La bataille d'Alger s'inspire notamment de Rome, ville ouverte, film majeur de Roberto Rossellini. Tourné en décor naturel avec des acteurs non professionnels, rappelons-le, peu de budget dans une esthétique proche de la vie réelle, les films néo-réalistes dépeignent la vie quotidienne des gens ordinaires. Une fois le tournage achevé, la post-production est réalisée à Rome, où elle bénéficie du concours d'un jeune musicien alors méconnu, un certain Ennio Morricone, qui compose une partition, disons, martiale. Du reste, ce que le film montre avant tout, c'est l'escalade de la violence. D'abord, l'attentat dans la Casbah par l'organisation de résistance de l'armée française, future OAS, qui fait 80 morts. Auquel succède la vengeance fomentée par le FLN qui se déploie à travers les attaques de la cafétéria, du Milk Bar et du Hall d'Air France. Ces attentats sont filmés sans compromis par Pontecorvo, avec des plans sur les victimes, notamment les enfants, ce qui lui vaut des critiques du FLN et d'une partie de la presse de gauche. On lui reproche de renvoyer dos à dos la violence des colonisés et celle des colonisateurs. La bataille d'Alger est projetée pour la première fois au Festival international du film de Venise en septembre 1966. En France, la presse qualifie cette projection d'incident diplomatique qui aurait pu être évité. Les représentants du ministère français des Affaires étrangères et du CNC, le Centre national de la cinématographie, critiquent le film qu'ils qualifient de médiocre. Mais à la surprise générale, il décroche le Lion d'Or. Leone d'oro di San Marco, la battaglia d'Algeri. Le Lion d'Or est attribué au film La bataille d'Alger. C'est en ces mots que le président du jury octroie, pour la cinquième fois, la récompense suprême à l'Italie à la Mostra de Venise. Quand Gillo Pontecorvo se lève pour aller chercher son prix, la délégation française quitte la salle et hurle à l'injustice. Salué par la critique internationale, le film est décrié en France. En Algérie, en revanche, et c'est assez logique, il est salué. Thank you. sensible sur France Inter. Passons à la véritable dimension du film La Bataille d'Alger, qui reçoit un accueil triomphal lors de sa première au New York Film Festival, quelques semaines après les émeutes de Newark et de Detroit. La plupart des critiques font un lien évident, pour eux en tout cas, entre l'Algérie et le Vietnam ou avec les ghettos américains. L'hebdomadaire Newsweek décèle néanmoins dans l'engouement pour ce film des signes inquiétants. Il écrit « Lors du Festival du film de New York, plusieurs jeunes noirs ont souri ou rigolé devant chaque attentat terroriste contre les Français, comme si la bataille d'Alger était une bible avec la prophétie d'une guérilla urbaine sur le territoire américain. » Et ce n'est pas fini. La bataille d'Alger est nommée pour l'Oscar du meilleur film étranger en 67 et en 69 pour l'Oscar de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Un camouflet pour la France, comme assis sur une punaise. Dès sa sortie aux États-Unis, la bataille d'Alger exerce un impact politique fort, évidemment. Et il fait l'objet de réappropriations très hétérogènes. Le film influence notamment les militants des Black Panthers. Elridge Clavin, alors exilé à Alger, évoque la ressemblance entre le parcours d'Ali Lapointe et celui de Malcolm X. À New York, dans le quartier de Harlem, une copie du film est retrouvée par le parquet de New York dans un local, justement, des Black Panthers. L'un des activistes de ce mouvement, Joseph Jamal, s'en souvenait à l'occasion du documentaire La Bataille d'Alger, un film dans l'histoire, c'était en 2017. J'ai été accusé de conspiration et possession d'armes dans le cadre d'une affaire connue comme l'affaire Panthers 21. Des flics avaient infiltré le parti des Panthers. C'était des témoins clés. Et une des preuves majeures, en plus des armes saisies dans les locaux des Panthers, c'était le film La Bataille d'Alger. Les Panthers s'en servaient soi-disant comme film d'entraînement pour développer notre stratégie, nos missions et nos plans de guérilla pour troubler l'ordre à New York. Lors du procès de 13 Black Panthers, soupçonnés de fomenter des attentats contre des lieux publics et des assassinats contre des policiers, un inspecteur certifie que l'un des accusés, Lubumba Shakur, beau-père du rappeur Tupac Shakur, assassiné en 96 et dont nous vous raconterons l'histoire la semaine prochaine, lui a assuré qu'il était obligatoire d'avoir vu la bataille d'Alger pour faire partie de son organisation des Black Panthers. Durant ce long procès, l'accusation fait même du film une pièce à conviction et organise une projection à l'attention du jury. La bataille d'Alger devient donc un manuel de guérilla urbaine, mais aussi l'icône d'organisation de lutte armée au cours des années 60-70, à l'instar des Weathermen, groupe radical et clandestin, né à Chicago, responsable de plusieurs attentats à la bombe en octobre 69. Il fait également figure de film de chevet pour l'IRA, ainsi que pour l'OLP. Il s'agit également à l'époque du film préféré d'Andreas Bader de la fraction Armée Rouge, en Allemagne. Enfin en Italie, Mario Moretti des Brigades Rouges lui fait également les yeux doux. Mais l'influence de la bataille d'Alger est très diverse. Et son succès auprès de ces organisations ne manque pas d'attirer l'attention de ses adversaires. D'après une enquête menée par la journaliste Marie-Monique Robin, au cours des années 50 et 60, la France exporte les méthodes utilisées pendant la guerre d'Algérie aux États-Unis, alors en guerre contre le Vietnam, ainsi qu'en Amérique latine. Le film aurait ainsi été régulièrement projeté dans certaines écoles militaires en Argentine au moment de la dictature, comme une introduction à la guerre anti-subversive. Extrait du documentaire daté de 2003 de Marie-Monique Robin, Escadron de la mort, l'école française. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Lors de séminaires, l'ancien général Paulo Serres, qui a fait usage de la torture durant la bataille d'Alger, recommande le film de Gillo Pontecorvo. Il estime en effet qu'il s'agit là de l'une des rares représentations de la guerre contre-révolutionnaire menée par la France, et en l'occurrence en Algérie. Dans le film, il n'est jamais frontalement question de torture, non. Le colonel Mathieu préfère user d'un euphémisme. Il évoque des interrogatoires. Sauf que certaines scènes montrent clairement les exactions commises par l'armée. Le général Massu, qui a servi de modèle au personnage de Mathieu, s'exprime sur la question à la télé en octobre 71. Vos paras étaient-ils d'accord ? Je pense que la plupart de mes parachutistes, enfin du moins de ceux qui avaient fait l'Indochine et le début de l'affaire algérienne avant l'affaire d'Alger, ont compris la nécessité d'employer ces méthodes désagréables. Mais est-ce que l'idée même de torture ne vous répugne pas ? Ben, elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, hein, et la guerre qui m'est imposée dans les circonstances m'oblige à avoir recours à ce procédé. Et je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux qui, dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations. Hein, En 2002, la bataille d'Alger est recommandée cette fois par le colonel Moshe Tamir aux officiers de Tzahal pour contrer la seconde intifada en Palestine. Le 7 septembre 2003, un article du New York Times révèle que dans le cadre de la lutte antiterroriste pendant la guerre d'Irak, tandis que les troupes américaines s'enlisent, la direction des opérations spéciales du Pentagone a projeté le film, oui, en août 2003, devant une quarantaine d'officiers et d'experts civils. L'idée était d'épuiser des leçons tactiques et de tenter de comprendre comment s'organise la résistance et la guérilla urbaine en terre musulmane. À l'issue de cette projection, un débat est organisé sur l'usage des méthodes répressives, notamment celui de la torture dans la lutte contre le terrorisme insurrectionnel. Et comme l'ont révélé les images insoutenables de la prison d'Abu Ghraib en Irak, l'armée des États-Unis a bien eu recours à la torture. Néanmoins, comme l'indique le dépliant distribué aux invités, la projection se place dans une perspective critique vis-à-vis de la stratégie française. Il est en effet écrit sur ce dépliant : comment gagner une bataille contre le terrorisme en perdant la guerre des idées ? Des enfants tirent sur des soldats à bout portant, des femmes mettent des bombes dans des cafés. Très vite, la population arabe devient fanatique. Ça vous dit quelque chose ? Les Français obtiennent un succès tactique, mais subissent un échec stratégique. Dans l'esprit des Américains, il ne s'agit pas d'en faire un exemple à suivre à tout prix, mais de tirer des enseignements des échecs autant que des succès des parachutistes français. Car si la France a gagné la bataille d'Alger, elle a aussi perdu la guerre. La projection qui devait rester secret défense est ébruitée. Les médias vont s'emparer de l'information. 4 mois plus tard, la bataille d'Alger sort dans une douzaine de grandes villes américaines et connaît à nouveau un succès imprévisible. Ce à quoi Gillo Pontecorvo répondra fermement. Tous mes amis m'ont appelé à la suite de cette projection. Et je ne trouve pas que ce soit d'un grand intérêt de voir le film à des fins stratégiques. Un film permet de saisir l'atmosphère d'une situation, pour avoir une idée d'ensemble. La bataille d'Alger ne donne pas de leçons de terrorisme, mais de cinéma. Et la bataille d'Alger a ses héritiers. Plusieurs films peuvent être considérés comme des descendants directs. Citons Z de Costa Gavras, ou État de siège, du même réalisateur, film qui fut d'ailleurs écrit par Franco Solinas, ou encore L'honneur perdu de Katharina Blum de Volker Schlondorff et Margarete von Trotta. Dans un article consacré à la bataille d'Alger et à la représentation du terrorisme à l'écran, le chercheur Tony Shaw explique que le film de Gillo Pontecorvo a permis à de nombreux cinéastes, au cours des années 70, de remettre en question les frontières entre politique et terrorisme, suggérant ainsi que la violence exercée par l'État est plus malveillante que le terrorisme mené par des groupes révolutionnaires. Et l'influence de la bataille d'Alger ne s'est pas arrêtée au cinéma des années 70. De nombreux cinéastes actuels revendiquent l'importance de ce film, comme Oliver Stone, Steven Soderbergh ou Ken Loach. Même le grand, l'énorme, l'indépassable Stanley Kubrick l'aurait étudié avant de réaliser son Full Metal Jacket. De ce fait, la bataille d'Alger est bien l'un des films politiques les plus influents de l'histoire du cinéma, un objet politique. Coupez les mains. Vous ne tuerez pas la musique. Écrasez les orteils. Vous n'empêcherez pas les longues marches. Brûlez les seins, vous n'éteindrez pas la beauté. Violez les sexes, vous ne souillerez pas la pureté. Tordez les bras, vous ne mutilerez pas la force. Bâillonnez les visages. Vous n'étoufferez pas les cris. Vous êtes les gagnants d'un jeu dérisoire. Les gagnants sur l'innocence. Les gagnants d'un combat inégal. Les gagnants sur le vide. Vous êtes les perdants de l'amour, les perdants de la dignité, les perdants de la joie, les perdants de la vie. À chaque fois que l'on fusille, c'est un peu de notre sang qui s'en va. À chaque fois que l'on tue, c'est un peu de notre chair qui s'en va. À chaque fois que l'on torture, c'est un peu de notre liberté qui s'en va. À chaque fois que l'on garrotte, c'est un peu de notre âme qui s'en va. Vous êtes les amants de l'infamie, les amants du déshonneur, les amants de l'odieux, les amants de la mort. Vous êtes les médiocres de notre terre, les rebuts de notre terre, les déchets de notre terre, les excréments de notre terre. Les mains. Vous ne tuerez pas la musique. Écrasez les orteils. Vous n'empêcherez pas les longues marches. Brûlez les seins, vous n'éteindrez pas la beauté. Violez les sexes, vous ne souillerez pas la pureté. Tordez les bras, vous ne mutilerez pas la force. Bâillonnez les visages. Vous n'étoufferez pas les cris. Vous écoutez Affaires Sensibles qui vous a raconté l'histoire du film La Bataille d'Alger et dont nous allons parler avec notre invité Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Historien, vous êtes l'auteur du rapport remis au président de la République sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie en janvier 2021, ce qui a donné un livre intitulé Les Passions Douloureuses, publié chez Albin Michel. Vous êtes l'auteur, notamment, vous avez écrit beaucoup de livres, de Imaginaire de guerre, Algérie-Vietnam, aux éditions La Découverte, réédité en poche l'année dernière. Voilà. Alors, le disque qu'on vient d'entendre, qui est étonnant, vous me demandiez vous-même de qui il s'agissait, c'est Lena Leska, le texte plutôt, sur une musique, s'appelle « Aux damnés de la terre » et date de 1978 et parle des tortures à travers le monde. Revenons à notre sujet, nous y sommes encore d'ailleurs. Quel est d'abord, et globalement on ira dans les détails ensuite, votre regard sur ce film, La bataille d'Alger, d'un point de vue de sa dimension politique et même artistique? Ben écoutez, La bataille d'Alger, c'est d'abord un grand film politique, bien sûr. Le grand film politique des années 60-70, et qui est très symbolique, symptomatique, des rapports entre la France et l'Algérie, la façon qu'a la France de ses difficultés à regarder la guerre d'Algérie en face. C'est pour cela aussi que ce film est important, parce que il a été longtemps considéré comme aussi l'impossibilité, disons, de représenter, de voir cette guerre d'Algérie à l'écran dans le cinéma français comme une sorte de film invisible. Donc un film culte qui est aussi un film invisible, bah, évidemment, ça suscite énormément d'engouement. Ça suscite énormément d'interrogations, donc aussi de prestige, quelque part, autour de ce film. Et puis, il y a la qualité artistique du film, vous l'avez signalé longuement dans votre introduction, caméra à l'épaule, dans les ruelles de la Casbah, le style néo-réaliste italien, bien entendu, le noir et blanc, il faut signaler la magie, oui, la force absolument. Du noir et blanc, qui avait été relevé d'ailleurs à l'époque par un critique littéraire qui avait aimé le film, un critique cinématographique, comme Henri Chapier, qui avait... a soutenu le film. En France, tous n'étaient pas hostiles à ce film. Y compris un personnage comme Claude Mauriac, dans le Figaro littéraire, avait soutenu la dimension esthétique et artistique du film. Donc c'est dire que le film réussissait sur le plan artistique à transcender les clivages classiques, hein, entre droite, gauche, adversaires et partisans de l'Algérie française, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, le film reste un monument du cinéma extrêmement important, bien entendu, et je crois que c'est aussi un petit événement de dire que dans une station de radio comme France Inter, on est décidé de faire une émission sur la bataille d'Alger. Pour moi, c'est extrêmement intéressant et troublant, parce que faire une émission sur un film qui, dans le fond, nous renseigne sur la totalité d'une séquence et d'une période, c'est tout à fait intéressant. Bien, merci au passage. Alors, il y a eu d'autres films sur la guerre d'Algérie, on peut citer Avoir 20 ans dans les Aurès, Le Pistonnet dont nous parlions tout à l'heure, qui est moins connu. Oui. Quelle est la dimension de ces films-là, finalement? Bah, écoutez, il y a énormément de films qui ont été faits quand même sur la guerre d'Algérie. Simplement, ce sont des films qui n'ont pas réussi, et là il faudrait s'interroger là-dessus, qui n'ont pas réussi à imprimer dans la conscience collective française. D'abord parce qu'il y a eu la censure très puissante qui s'est exercée sur le cinéma français pendant et après la guerre d'Algérie. N'oublions pas la censure de films comme Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, Adieu Philippines de Philippe Rosier, La Belle Vie de Robert Enrico, Tu ne tueras point de Claude Autant-Lara. Tous ces films ont été interdits. Et Muriel d'Alain René aussi. Tous ces films ont été interdits. Ils sont sortis après coup, lorsque la guerre était finie. Donc par conséquent, ils sont sortis dans un temps, dans un moment où les Français ne voulaient plus regarder cette histoire et cette guerre, parce que n'oublions pas que la France était en guerre depuis 1939. On l'a oublié, ça. 1939, 40, 44, la résistance, la guerre d'Indochine, 46, la guerre d'Algérie, 54, 62, c'est long. Ouais, c'est long. Et lorsque la guerre d'Algérie se termine, eh bien, dans le fond, les producteurs sont assez frileux pour, disons, faire des films autour de la guerre d'Algérie, parce qu'ils ont bien conscience que les spectateurs veulent tourner la page. Et pourtant, il y a quand même des films qui vont essayer de poursuivre, ou plutôt de créer une tradition du cinéma autour de la guerre d'Algérie qui est très particulière, parce que c'est un cinéma intimiste, c'est un cinéma à huis clos, avec des films qui vont exister en mentionnant la guerre d'Algérie de manière allusive. Les Parapluies de Cherbourg, en 1964. N'oublions pas que c'est le départ vers l'Algérie d'un jeune du contingent. Et oui. Cléo de 5 à 7, c'est la rencontre d'un jeune soldat français qui a peur de partir pour l'Algérie et qui rencontre une femme qui elle-même est victime d'une très grave maladie, un cancer. C'est un film aussi extrêmement intéressant. Et puis L'Insoumis d'Alain Cavalier. Alain Cavalier a réalisé deux films autour de la guerre d'Algérie, Le Combat dans l'île et L'Insoumis. Et tous ces films sont allusifs quelque part. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas au fond et au front la question de la guerre d'Algérie. Il va falloir attendre 68, fondamentalement. Et après 68, là, il y aura une production cinématographique poussé, bien sûr, par une sorte d'engagement d'une grande partie de la jeunesse française de l'époque, pour, disons, contester l'ordre établi, regarder vers le tiers-monde, etc. Et là, on va revoir René Vautier, dont le film avait été interdit en 57, Algérie en flammes. Et là, on va le revoir dans Avoir 20 ans dans les horaires. Ah, voilà. C'est celui-là, quand même, il est retentissant. Qui va marquer, sûr, quand même, une génération, Avoir 20 ans dans les horaires. Et puis RAS de Yves Boisset, l'année suivante, en 1960. Et puis n'oublions pas quand même un film algérien qui va obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes quand même, assez chronique des années de Brez, de Mohamed Lakhdar Emina, qui a trouvé quand même un public en France intéressant en 1975 avec la Palme d'Or. Donc vous voyez que c'est assez intéressant de constater. Alors je pourrais poursuivre comme ça la liste. Je ne connaissais pas le Benjamin Stora, spécialiste du cinéma. Je connais l'historien, mais vous connaissez bien. J'aime beaucoup le cinéma parce qu'on connaissait vraiment bien. Oui. Ah oui, on ne peut pas travailler sur l'histoire aussi passionnée, difficile, sans se référer aux imaginaires qui sont produits par le cinéma. Alors le cinéma américain, lui, pour établir une comparaison, est beaucoup plus transparent avec les moments sombres de son histoire, et notamment le Vietnam. C'est une question de culture, ça. Bah, c'est plus compliqué que ça, parce que vous savez, la guerre d'Algérie, c'est aussi une guerre où on a le fait que l'Algérie française, il y avait 1 million d'Européens qui y vivaient. Il n'y a jamais eu, disons, une colonie de peuplement américaine au Vietnam. C'est vrai. Donc, disons, la guerre d'Algérie, c'est aussi une guerre civile, c'est une guerre entre combattants nationalistes algériens, naturellement, et l'État français, mais aussi, il y a l'aspect guerre civile, parce qu'il y a une colonisation de peuplement européenne très puissante. Comment représenter cette histoire? Oui. Comment montrer cette histoire, qui est aussi une guerre civile, une guerre sans front, une guerre invisible? C'est très compliqué, alors que pour les Américains, c'est relativement plus simple. Il n'y a pas de colonie de peuplement, il n'y a pas d'enracinement historique des Américains au Vietnam. Par parenthèse, les colons qui existent en Indochine sont français. La scène qui a été coupée par Coppola dans Apocalypse Now montre un repas avec des colons français. Mais c'est pas des colons américains. Bon, je dis cela parce que c'était, entre guillemets, plus facile pour les Américains de faire, vous savez, une guerre extrêmement spectaculaire, une guerre aérienne, sans s'encombrer de considérations morales, etc. Et de faire une guerre, entre guillemets, esthétique, et une guerre qu'elle voulait absolument gagner par le cinéma, comme une sorte de revanche de guerre perdue sur le terrain. Mmh. Alors que pour l'histoire française de la guerre d'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on a effectivement une fracturation de la société algérienne, à cause de l'histoire coloniale, bien entendu, et puis une fracturation très puissante de la société française autour de la guerre d'Algérie, et qui a perduré, on le sait, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, ce refus, quelque part, d'une décolonisation et l'imposition d'une politique du général de Gaulle en 1961-62. À ce propos, vous pensez que votre rapport va aider à améliorer les... Faut espérer. Vous l'avez fait dans cet esprit-là ? Moi, ça fait longtemps que je travaille dans cet esprit-là, parce que mon premier ouvrage date de 1991, il s'appelle « La gangrène et l'oubli », où j'ai essayé, à travers cet ouvrage, il y a plus de 30 ans, de tracer une sorte de chemin pour trouver des passerelles, précisément, mémorielles, entre Français et Algériens, en essayant de se reconnaître ou connaître les douleurs ou les passions qui pouvaient exister en miroir d'une rive à l'autre de la Méditerranée. On va se retrouver dans 3 minutes, Benjamin Stora, après avoir écouté Jack White, qui chante « If I Die Tomorrow ». To sing, if my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today? She won't mind the France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Benjamin Stora, La bataille d'Alger est un film qui ne fait pas mystère de la torture pratiquée par l'armée française, mais le mot torture n'est jamais prononcé, on parle d'interrogatoire. Ça veut dire qu'on reprend la terminologie officielle française. Pourtant, par l'art, qui a vocation à être libre, c'était l'occasion d'appeler un chat, c'était une guerre et il y a eu torture. Oui, il y a eu torture, et d'ailleurs qui a été reconnue à la fin de sa vie par le général Massu avant de mourir. Ouais. Donc à la suite d'ailleurs de toute une série d'enquêtes qui avaient été faites par le journal Le Monde, par Florence Bauger d'ailleurs. Et c'est effectivement troublant parce que, en fait, les Algériens eux aussi, et ceux qui supportaient entre guillemets la cause algérienne, se situaient, ne l'oublions pas, que seulement 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Oui, donc c'était bien. Déjà d'une audace très folle, j'allais dire inouïe, que de traiter en tant que tel la question dite entre guillemets des interrogatoires, comme on le disait à l'époque. C'était déjà ouvrir une brèche, c'était déjà dire quelque chose. Alors évidemment, ça a été à l'époque, vous l'avez signalé, critiqué à gauche le fait de ne pas affronter directement la question de la torture. Mais je crois que le cinéaste Gillo Pontecorvo voulait déverrouiller cette histoire. C'est-à-dire qu'il voulait montrer et ouvrir... Pousser une première porte. Une première porte, absolument. Mettre le pied sur la porte. Puisqu'on nous y sommes, qu'appelle-t-on réellement la bataille d'Alger dans les faits historiques? Dans les faits, le terme a été lancé par un journaliste français hein, en 1957, donc qui a été repris. C'est un peu comme le terme de guerre d'Algérie. Bon, parce que là, vous savez, il y a toute une bataille dans la terminologie. Oh oui, oh que oui. Les Algériens préfèrent parler, par exemple, de guerre d'indépendance ou de guerre de libération nationale, alors que les Français restent accrochés à la notion de guerre d'Algérie. La bataille d'Alger, en fait, a été ensuite reprise par certains Algériens. Yassef Saadi lui-même a écrit les mémoires de la bataille d'Alger, mais aujourd'hui, ce qui tend à s'imposer dans le vocabulaire, notamment algérien, c'est celle d'une guerre, disons, contre la répression française. C'est-à-dire que beaucoup plus qu'une bataille au sens classique, parce qu'une bataille signifierait une bataille entre deux armées régulières, oui, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, donc il y a une sorte de soulèvement, entre guillemets, privé, de militants d'avant-garde contre une armée surpuissante et qui va utiliser des méthodes extraordinairement brutales. Et ce film nous montre aussi que la guerre d'Algérie, on va reprendre la terminologie française aujourd'hui, ce n'était pas que le maquis, c'était aussi une guérilla urbaine. Alors c'est une guérilla urbaine qui avait aussi été l'objet d'une grande discussion à l'intérieur des rangs du nationalisme algérien. Parce que l'histoire des Algériens n'est pas une histoire homogène, simple et linéaire. Il y a des dirigeants algériens qui n'étaient pas d'accord pour porter la guerre à l'intérieur. Des grandes villes, en particulier Alger, bien sûr, la capitale. Mais il y a d'autres dirigeants qui ont tranché en disant non, il faut porter cette guerre parce que le bruit fait par une bombe à l'intérieur d'une ville fait plus de bruit que une bataille longue, difficile, dans un djebel. Hein, c'est une expression très célèbre utilisée par un dirigeant nationaliste algérien. D'où la nécessité de transférer, les logiques de guerre dans une situation où déjà il y a une très grande importance donnée aux médias. C'est-à-dire que lorsque, une bombe explose à Alger, eh bien les médias du monde entier pourront en parler, alors que des batailles livrées dans le Constantinois, dans les Aurès ou aux frontières, eh bien qui occasionnent énormément de victimes, ou même des déplacements de population, faut pas oublier qu'au total, plus de 2 millions de paysans algériens ont été déplacés. C'est un chiffre qui à l'époque avait été avancé par le jeune énarque Michel Rocard dans un rapport célèbre. C'est énorme, 2 millions de paysans algériens déplacés. Eh bien, ça faisait pas tellement de bruit. Alors que, précisément, la stratégie qu'avait mis en œuvre notamment Larbi Ben Mehdi, mais surtout Yassef Saadi, eh bien, c'était de porter effectivement la violence au cœur des grandes métropoles coloniales. Yassef Saadi, d'accord, mais un mot sur Ali Lapointe. Ali Lapointe est un personnage aussi intéressant parce que c'est un qui a, parce que Pontecorvo en a fait le héros principal de son film. C'est un petit voleur qui a été gagné à sa sortie de prison par l'idéologie nationaliste. Bon, il est très, lui aussi, c'est un personnage qui est très caractéristique d'une fraction de la jeunesse des villes, paupérisée, rejetée, et qui est dans une sorte de rage, dans une sorte de fureur. Qui n'est pas forcément dans un mouvement de politisation comme ont pu l'être les grands dirigeants nationalistes ou les militants de cette époque-là, mais qui a envie précisément d'exister en défiant l'ordre, en défiant le système, en défiant l'État. Et bon, sa fin ensuite a été tragique, on le sait, elle est montrée dans le film de Pontecorvo. Il a été dans une maison qui était entièrement dynamitée, hein, donc ouais. C'est une fin tout à fait terrible, une fin tout à fait tragique. Donc on a, à travers toute la trajectoire, disons, d'Ali Lapointe, aussi toute une histoire d'une fraction, d'une jeunesse paupérisée qui essaye de sortir, disons, d'une logique de statu quo par une violence extrême. C'est ça qui a plu peut-être à certains mouvements révolutionnaires. Alors, justement, il nous reste une minute et demie pour ce thème-là, à quel point ce film a été récupéré par des causes totalement antagonistes. Oui, des guerres d'indépendance, d'émancipation, mais aussi des dictatures. C'est ce qui fait la force de films qui marquent les imaginaires, c'est qu'ils peuvent être interprétés de manière extrêmement différente, à la fois par les officiers du Pentagone au moment de l'invasion de l'Irak, bien sûr, ou à l'inverse, des Black Panthers, en particulier Rich Cleaver, dont vous avez parlé, mais qui a fini quand même en supporteur de Ronald Reagan, ne l'oublions pas. Alors, je ne sais pas ce qu'en ont pensé Pontecorvo et tous ceux qui ont fait ce film, ils ont été dépassés par la dimension politique. Bien sûr, vous savez, c'est le propre des grands films, des grandes productions, des grands récits qui percutent des imaginaires de manière très puissante. Bah, ça échappe complètement à leur créateur parce que ça crée quelque part des stéréotypes aussi, des caractéristiques qui deviennent entre guillemets universelles. Et donc la bataille d'Alger, effectivement, peut être lue, interprétée, disséquée, discutée de manière totalement différente, voire même contradictoire. Une toute dernière question, votre regard sur les relations franco-algériennes aujourd'hui. Je vous accorde 30 secondes pour répondre à ça, c'est pas tellement correct de ma part, mais j'essaye. Allez. Ce sont des rapports, on le sait, assez difficiles, mais qui ont pris une tournure un peu différente ces derniers temps, quand même. Quand même. Bon, il y a eu mon rapport, il y a eu les décisions qui ont été prises à la suite de ce rapport, en particulier la reconnaissance par la France des assassinats de Maurice Audin, de Ali Boumendjel, aussi le discours qu'a fait le président de la République en direction des Harkis, des Pieds Noirs. C'est très important, parce que je crois qu'il a demandé pardon aux Harkis aussi. Et puis, il y a la possibilité de la création d'une commission mixte d'historiens français et d'historien algérien. On avance. Merci. Merci. Merci Benjamin Stora. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la bataille d'Alger, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.